Bonjour, il est midi 5, 10 presque aujourd'hui, et vous êtes sur Radio Campus, et, ou sur DAB+, ou sur Campus Lille, pour écouter Angle d'Attaque, une émission proposée par les trois comités locaux Attaque de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, une action fait plus simple d'éducation populaire. Pour vous servir aujourd'hui, Florent, au téléphone, aux manettes pour régler le temps, pour la pause musicale et pour l'agenda militant, Ludovic au look gramchien, Didier le nouvelliste, Morgane, on va voir s'il arrive, un problème de métro à Lille, tout pour tout vous dire. Et de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Des médias et surtout de la critique des médias. Et ce n'est pas à vous, chers auditeurs et auditrices, que nous allons apprendre que quelques milliardaires possèdent l'essentiel de la presse écrite et audiovisuelle. Non, nous allons plutôt essayer de décrypter comment l'idéologie dominante, mainstream, néolibérale, comme vous voulez, est distillée dans les médias et ce que seraient peut-être aussi des médias libres et des journalistes autonomes responsables. Pour nous aider à comprendre tout cela, nous avons choisi le média certainement le mieux placé dans le pays. Il s'agit d'Acrimed. Acrimed, Action Critique Média, on ne peut pas avoir plus clair comme acronyme. Et pour ça, nous avons le plaisir d'inviter aujourd'hui d'avoir notre téléphone, Nils Solari d'Acrimed. Bonjour Nils. Bonjour à tout le monde, merci de l'invitation. C'est tout à fait normal, c'est un plaisir de vous avoir en ligne ici pour quelques trois quarts d'heure. Je vais vous poser une première... Je ne savais pas trop comment dire Nils, je ne savais pas, il fallait dire journaliste, dites. Eh bien, moi je suis formateur intervenant en éducation aux médias et je suis salarié de l'association Acrimed depuis le mois de février, après avoir été bénévole pendant 17 ans pour l'association. Ah d'accord, il faut le temps pour devenir permanent. Non mais bravo, c'est bien, merci d'avoir été aussi clair. Justement, on va essayer de vous poser des premières questions sur Acrimed et sur peut-être un petit peu d'histoire d'Acrimed et un peu l'idéologie qui vous anime dans ce média. Oui, ça a été rappelé au début, Acrimed, c'est l'acronyme d'Action Critique Média, une association qui est née au début 96, c'est-à-dire au lendemain des grandes mobilisations qui avaient eu lieu en décembre 95 à l'époque contre le plan Juppé, un contexte qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler les grandes mobilisations aujourd'hui contre la réforme des retraites. Et donc Acrimed s'est constitué en observatoire des médias en réunissant des journalistes, des chercheurs, des usagères et usagers des médias qui souhaitaient porter une action démocratique sur le terrain des médias, c'est-à-dire de protester contre le traitement des mobilisations sociales pratiquées par les grands médias traditionnels de presse écrite et audiovisuelle. Déjà. Voilà. À l'époque déjà, donc de lutter un peu, si je la fais courte, contre le constat un peu permanent qui est fait par les médias et qui se focalise avant tout sur les vitrines plutôt que sur les revendications des manifestants. Donc l'objet d'Acrimed en tant que tel, c'est véritablement de faire de la question des médias une question politique, au sens noble du terme, c'est-à-dire une question dont toutes les organisations, qu'elles soient politiques, syndicales, militantes, mais aussi les usagères et usagers que nous sommes tous et toutes des médias, une question dont tout le monde nous avons vocation à nous saisir, en partant du principe qu'il n'y aura pas de transformation économique, sociale ou écologique sans qu'il y ait une véritable transformation du champ médiatique, puisque les médias sont aussi à l'origine de la structuration, de l'organisation du débat public et des débats qui y sont reflétés. Et donc, pour ce faire, Acrimed, en fait, son action s'est déclinée en quatre actions qui sont, si je résume, informer, contester, mobiliser et proposer. Informer sur la manière dont se produit l'information, donc entre autres notamment sur les conditions de travail des journalistes. Contester l'ordre médiatique existant, et notamment, nous, notre grand axe de travail, c'est d'alerter et de lutter contre la concentration et la financiarisation des médias. mobiliser, c'est-à-dire d'appeler encore une fois toutes les organisations syndicales, politiques, militantes à se saisir de cette question des médias et à la faire sienne, à faire en sorte qu'elle soit inscrite à leur agenda de discussion pour véritablement l'investir, et enfin proposer des solutions de transformation du champ médiatique pour essayer de lutter contre cette hyperconcentration qui était mentionnée d'ailleurs en introduction de cette émission. Oui, alors mais ça fait quelle équipe ? Ça, c'est une équipe de combien de personnes aujourd'hui ? Alors on est une association avec de petits moyens, hein. C'est bien de le rappeler parce que souvent on est vu comme nos productions dépassent parfois un peu l'équipe et les moyens humains qu'on peut y consacrer, sachant qu'aujourd'hui nous sommes 5 salariés, 3 à la rédaction et 2 pour la partie plus administrative et la vie associative, ce qui fait 4 équivalents temps plein. Et donc je le rappelle, Acrimed est une association loi 1901 à laquelle tout le monde peut adhérer. Et je rappelle également que nous vivons sans aucune subvention ou sans aucune forme d'aide financière de l'extérieur, si ce n'est celle des cotisations de nos adhérentes et adhérents et des éventuels dons qu'ils pourraient faire en soutien à l'association. Il y a des associations qui vous soutiennent aussi ? Il y a des associations qui sont membres d'Acrimed. Ah oui, d'accord. On peut adhérer à titre collectif, effectivement, à l'association Acrimed. Oui. Alors, une question, évidemment, qui nous préoccupe. Alors, les moyens, on en a un peu parlé, il n'y en a pas beaucoup. Et quels sont les objectifs ? Alors, même si tu en as déjà dit un peu un mot. Oui, alors les objectifs, donc comme je l'ai dit, c'est de faire ou voire même de refaire de la question des médias une question politique, puisque on aura peut-être le loisir d'en parler tout à l'heure, mais oui, bien sûr. C'est vrai que si on regarde les ordonnances de 44 à la Libération, cette question avait déjà été abordée et était déjà dans l'esprit des ordonnances de 44. Aujourd'hui, et notamment depuis les années 80, il y a eu une relative démission du politique pour notamment légiférer sur ces questions, et notamment la question de la concentration. Donc, faire de la question des médias une question politique, nous, ça se traduit par plusieurs moyens, notamment notre site internet, sur lequel nous publions des articles qui sont en Creative Commons, c'est-à-dire en accès libre et reproductible sur toute forme de blog et de site à condition de mentionner la source. Alors, je t'interromps une seconde pour conseiller aux auditeurs et auditrices d'aller sur ce blog qui est vraiment très, très intéressant, très bien fait en plus. Alors oui, notre site www.acrimed.org. Si les gens n'ont pas encore le bonheur de nous connaître, peut-être qu'ils nous ont déjà vus via une autre source qui est assez diffusée à l'heure actuelle, qui est la carte Média français qui possède quoi, qui est la carte que nous élaborons en partenariat avec le monde diplomatique et qui recense la plupart des médias de presse écrite et audiovisuelle français, avec au centre, on va dire, les grandes fortunes, les grands groupes industriels, militaires ou industriels ou financiers, notamment les banques qui possèdent ces mêmes médias. Donc ça, c'est un premier volet. Le site www.acrimed.org est près de 5000 articles aujourd'hui en ligne, en accès libre. La carte des médias, depuis octobre 2011, nous faisons paraître aussi un magazine qui s'appelle Média Critique, qui est un trimestriel. Et puis après, nous intervenons aussi à la demande de collectifs, de syndicats, dans des interventions publiques, pour présenter notre action et essayer à nouveau de mobiliser autour de cette question. J'ajoute aussi, mais je crois que vous allez en parler à la fin, qu'on vient de sortir un dernier livre aussi qui s'appelle « Les médias contre la gauche », parmi d'autres ouvrages que nous avons également publiés aussi sur la question des médias. On va d'ailleurs recevoir Pauline Perreno, donc l'auteur, dans une manifestation avec Politis. C'est Didier qui va te poser une autre question. Oui, bonjour Nils. Donc, quelques questions sur le contexte français des médias. Bon, tu as déjà parlé de la cartographie des médias, la fameuse carte sur le site d'Acrimed et aussi relayée par le monde diplomatique. Est-ce que tu peux, en quelques chiffres, nous dire de quoi il s'agit au niveau d'intérêts financiers dans la presse, dans la presse lambda ? Alors, en quelques chiffres, je vais passer un peu vite, mais ça a déjà été un peu dit. Nous, notre principal angle d'attaque, c'est, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la concentration et la financiarisation des médias. Un constat qui, malheureusement, depuis les années 80, s'est accéléré, c'est-à-dire a empiré d'une certaine manière, puisque ça a été rappelé tout à l'heure, hein, quelques milliardaires possèdent une très grosse partie de la presse en France, de la presse au sens large, hein, j'inclus les médias audiovisuels là-dedans. Et donc, Alors ça demanderait à être discriminé, hein, puisque il faudrait voir le type de média exactement et le type de presse que l'on considère, mais on a cette phrase là qui revient assez souvent, qu'aujourd'hui on aurait entre 9 et 11 milliardaires en France qui posséderaient près de 90% des médias audiovisuels et de presse écrite. Donc un constat d'hyperconcentration et qui malheureusement en plus est alimenté aussi par toute une série de facteurs liés à l'économie même des médias, et c'est notamment lié par exemple au système des aides à la presse, mais je crois que c'était il y avait l'idée d'aborder aussi un peu ce sujet, je crois. Les aides à la presse, oui. Tu peux nous en dire un mot Alors bah justement, effectivement, bah, juste pour donner un chiffre peut-être un peu parlant, alors c'est vrai que là c'est pareil, les aides à la presse, il faudrait pouvoir avoir un certain temps pour pouvoir préciser, spécifier un peu, puisqu'elles sont multiples, et puis qu'on distingue des aides directes, des aides indirectes. Mais juste pour donner un chiffre qui peut paraître assez parlant sur les aides directes qui sont octroyées à la presse, sur près de 91,5 millions d'euros en 2021, on peut dire que plus de la moitié ont été captés par les plus grands groupes ou les plus grandes fortunes, hein, puisque en 2021 c'était 43,6 millions d'euros qui étaient distribués donc par ordre de priorité au groupe de Bernard Arnault, de Xavier Niel, au groupe Le Figaro, au groupe Altice, à Lagardère, à Pinault et à Kretinsky. Et donc ça, c'est véritablement problématique parce que, alors, on pourrait interroger les autres modes de financement des médias, et notamment le principal qui est la publicité, mais en ce qui concerne les aides à la presse, qui sont un système mis en place par l'État au départ à la libération justement pour soutenir et stimuler, j'allais dire, le pluralisme des idées reflétées au travers des médias, eh bien malheureusement, ce système aujourd'hui est largement inopérant, hein, il est plutôt inefficace. Et on le voit, il est aussi très largement accaparé par les plus gros intérêts qui déjà en bénéficient très largement. Donc malheureusement, ce système ne favorise pas aujourd'hui le pluralisme, et c'est ce que nous dénonçons, hein, justement au travers de cette dénonciation de la concentration et de la financiarisation, c'est l'atrophie du débat public par le biais d'un pluralisme qui est littéralement anémié, hein, puisque si tant est que l'on ait une diversité de médias, la diversité des idées, malheureusement, n'est pas reflétée. Et au contraire, on a plutôt une tendance à l'hégémonie des idées néolibérales depuis à nouveau les années 80. On a justement quelqu'un comme Sébastien Fontenelle qui, dans Politis, dans sa chronique hebdomadaire, dénonce ce système d'aide à la presse qui n'aide pas en fait la presse en difficulté, mais qui est là plutôt pour, disons, les investissements dans la presse, comme on dit pudiquement. Mais on est très loin des ordonnances de 44, elles se sont quasiment jamais appliquées en fait. Bah, assez peu, effectivement, et puis bon, c'est vrai qu'il y a eu d'autres dispositions par la suite, notamment en matière de concentration dans les années 80. Puis, en fait, les ordonnances de 44 ont été même redéfinies par une loi de 84, puis par une loi de 86, et malheureusement, bon, pour la faire un peu courte, les seuils de concentration ont systématiquement été relevés. Et si tant est que, par exemple, on peut saluer l'initiative des sénateurs d'avoir tenté d'investir cette question à la fin 2021, juste un peu avant la campagne présidentielle, malheureusement, leurs conclusions ne sont pas allées dans le sens d'une remise en question fondamentale de cette concentration. Et donc, on continue avec un système qui reste assez hyper concentré et qui suit finalement les injonctions des grands patrons de presse, à savoir de conserver ce système, puisque eux s'estiment, j'allais dire, dans une concurrence assez délicate face à d'autres très grands intérêts qui sont ceux des GAFAM, hein, les fameuses grandes entreprises Google, Amazon, Facebook, etc., Apple, etc. Mais là, il y a véritablement une confusion entre ce qui est la liberté d'entreprise de presse et la liberté de presse. Et là, c'est problématique puisque il ne s'agit pas que d'intérêts pas que d'intérêts économiques, pardon, qui sont en jeu, mais aussi, encore une fois, de la manière dont le débat public et le débat démocratique est organisé. Sachant que, il faut le rappeler, hein, l'information n'est pas un bien comme un autre. Ce n'est pas une marchandise comme un autre. Oui. Voilà. Et au niveau des instances de régulation, on parle de l'ARCOM qui a remplacé le CSA, l'ADOPI. Enfin, tout ça, c'est valable pour l'audiovisuel. Pour la presse, qu'est-ce qui vaut là-dedans? Alors bah oui, l'ARCOM donc a été institué, si je me souviens bien, à la fin 2021 ou début 2022. L'ARCOM, donc l'autorité de régulation des communications, qui est le produit de la fusion entre l'ancien Conseil supérieur de l'audiovisuel et le volet numérique avec Hadopi. Nous, globalement, au sein d'Acrimed, ce qu'on dénonce, c'est que cet ARCOM a relativement démontré son utilité. Et nous sommes plutôt partisans de mettre en place ce qu'on appellerait un véritable Conseil national des médias qui puisse être composé de salariés, de médias, d'usagers et de représentants des organisations politiques, avec des pouvoirs renforcés, alors pas forcément dans le sens du contrôle de la déontologie, mais aussi du contrôle aussi de la manière dont les médias se déploient. Et nous critiquons par exemple régulièrement aussi la manière dont l'ARCOM, qui a toute la souveraineté pour attribuer par exemple des fréquences à certains médias, eh bien ne le fait, comme le CSA ne le faisait pas d'ailleurs, ne le fait généralement pas en direction de médias beaucoup plus libres, indépendants, en tout cas indépendants des puissances de l'argent, des puissances économiques et financières. Et c'est ce qui pourtant pourrait contribuer peut-être à redynamiser un peu une forme de pluralisme au sein du débat public, justement. Est-ce que tu peux rappeler simplement ce que signifie ARCOM ? Parce que CSA, ça tombait sous le sens, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et qui compose l'ARCOM, si tu le sais ? Alors, l'autorité de régulation des communications, j'ai pas la communication sous les yeux. Elle est pour partie le fait d'une nomination en Conseil des ministres, si je me trompe pas. Mais là, j'avoue que j'ai pas la composition sous les yeux. Non, je suis désolé. Ok. Et une question qui va pas te surprendre. Pour une autre presse, il y a quand même des livres, des essais sur les médias, notamment, je pense à Julia Cagé, des gens comme ça. Qu'est-ce que tu crois, je sais bien que l'exercice est difficile, mais en quelques mots, est-ce que tu peux nous donner quelques pistes pour une autre presse et d'autres médias ? Alors oui, il y a plusieurs propositions que nous tentons de porter justement au sein d'Acrimed sur ce chantier de transformation des médias, puisqu'il a été question tout à l'heure des ordonnances de 44, eh bien on pourrait dire que déjà, on pourrait essayer de revenir à l'esprit de ces ordonnances, ordonnances qui à l'époque déjà avaient indiqué qu'il n'était pas bon que des médias, par exemple, que des médias soient possédés par des groupes qui eux-mêmes vivent de commandes publiques. Donc ça pourrait être une première mesure. Qu'est-ce qu'on pourrait dire également Il y a tout le cas la question des sociétés de lecteurs, de rédacteurs. Oui, alors on pourrait effectivement. Alors ça, c'est un vœu pieux qui autrefois avait été énoncé par Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde des 66, c'est-à-dire la constitution de sociétés de rédaction avec des juridictions propres et qui soient véritablement indépendants vis-à-vis de l'actionnariat. Notamment l'actionnariat privé, de manière à ce que ces sociétés puissent rester maîtresses, de leur travail éditorial et d'être complètement, éloignées de toute pression de l'actionnariat et d'un éventuel patron de presse qui souhaiterait faire passer ses idées au travers des journaux. Mais il y a aussi, il y a beaucoup de mesures qui peuvent aussi se concentrer sur sur la question même de la concentration, puisque aujourd'hui on a des médias qui sont multipositionnés à la fois sur le numérique, sur la presse écrite et sur l'audiovisuel. On pourrait imaginer aussi que un même groupe ne puisse détenir qu'un seul média et non être dans une concentration conglomérale comme ça, avec une diversité de médias à sa solde. C'est un chantier qui est assez long, qui est en débat aussi au sein de l'association et vis-à-vis desquels nous sommes toujours en réflexion, puisqu'il y a aussi, on pourrait aussi par exemple considérer ce qui s'est fait sur le plan législatif, notamment en Amérique latine, pour tenter de déconcentrer une partie du champ médiatique, c'est-à-dire de pourquoi pas de retirer certaines licences à certains groupes privés à vocation lucrative, et octroyer ces licences à des médias privés à vocation non lucrative, c'est-à-dire donc des médias qui seraient plutôt à l'origine d'associations, de fondations, de coopératives ou de collectifs militants, ou voilà, qui pourraient être un peu plus indépendants, en tout cas des puissances de l'argent. Et toi-même, tu es formateur, est-ce que tu formes la critique des médias ou dans ton boulot? Alors, c'est-à-dire, j'ai un peu ces deux casquettes en tant que formateur sur aujourd'hui ce qu'on appelle de manière assez dominante l'éducation aux médias et à l'information. Ça n'est pas tout à fait la même posture que ce qu'on adopte au sein d'Acrimed. Acrimed, on s'est volontairement inscrit dans une critique radicale, indépendante et intransigeante des médias, donc ce qui est assumé comme une posture militante de volonté de transformation du champ militant, des médias, pardon. La posture professionnelle, en formation professionnelle, en formation en milieu scolaire, en centre de détention, auprès de parents d'élèves, etc., en éducation aux médias, est souvent attendue comme une posture, quelque peu plus neutre, centré sur des compétences de base liées à la recherche, la vérification de l'information et sur une problématisation aussi de notre rapport aux médias et à l'information. Et je crois que, d'une certaine manière, le travail d'Acrimed de critique des médias participe d'une éducation aux médias au sens large, mais ça n'est pas tout à fait la même posture. Après, nous, au sein de l'association, nous nous réjouissons évidemment qu'il y ait de nombreuses initiatives à l'heure actuelle qui surgissent dans ce sens, puisque, encore une fois, nous cherchons à faire en sorte que chacune et chacun puisse s'emparer de cette question des médias, puisque c'est une question éminemment politique, une question éminemment démocratique. Eh bien, tu es là pour notre émission pour le démontrer. C'est une question de Ludovic, maintenant. Oui, alors il aurait été difficile dans cette émission de ne pas aborder la manière dont les médias dominants ont traité la question des retraites, qui a occupé donc l'agenda médiatique pendant 3 mois, qui occupe toujours l'agenda médiatique, liée à la protestation qui continue sous d'autres formes. Donc je voulais savoir un peu comment vous avez vu à Acrimed, un peu comment vous avez un peu observé ce traitement des médias, sachant qu'il y a eu au Parisien, par exemple, si vous prenez le Parisien, qui n'est pas un journal d'extrême gauche, la Société des journalistes du Parisien a dénoncé des couvertures donc favorisant des interviews gouvernementales à celles de l'opposition, moult éditoriaux pro-réforme dont elle demande encore d'ailleurs la suppression, et notamment un traitement de l'actualité qui notamment interdit les termes de violence policière. On interdit véritablement aux journalistes d'utiliser le terme, lui préférant le terme de dérapage ou d'accusation de violence policière. Donc que la Société des journalistes du Parisien dénonce publiquement un traitement biaisé de la part de son journal, mais on a vu ça aussi à BFM, où effectivement, pareil, le mot violence policière avait été banni. Qu'est-ce que ça suscite à Acrimed? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça... Comment vous avez un peu observé, comment vous avez un peu analysé ce traitement et la réaction au sein des différentes rédactions, notamment des journaux de droite qui sont pas forcément les plus disposés à dénoncer ce genre de traitement biaisé? Oui, alors effectivement, on peut saluer la réaction de la SDJ du Parisien. Je rajouterai une autre qui l'a précédée, qui est celle de la Société des journalistes de France 3, oui, effectivement aussi, qui a dénoncé le soin tout particulier des directions à ne pas évoquer les violences policières également. Et tout ça s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler, ce que nous avons nommé assez tôt, le journalisme de préfecture. J'y reviendrai un peu sur la fin, parce que je crois que dans la séquence qui s'est déroulée et qui se déroule toujours sur le traitement médiatique de la réforme des retraites, on peut distinguer, plusieurs thématiques, plusieurs angles d'attaque. Alors que nous, d'ailleurs, on retrouve aussi et qu'on développe, par exemple, dans le dernier livre, Les médias contre la gauche. Le premier, avant même les mobilisations, c'est ce qu'on pourrait appeler un journalisme de classe, voire même une forme de service après-vente des réformes néolibérales, on va dire. C'est la manière dont, même avant les mobilisations sociales, vous avez nombre d'éditorialistes ou de journalistes un peu bien en vue qui vont présenter la réforme à venir comme quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence, qui va de soi et qu'on ne peut absolument remettre en question. Sous-entendu, on invisibilise les raisons pour lesquelles la majorité des Français la refuserait, et on ne donne que très peu d'espace pour informer sur les propositions de celles et ceux qui se mobilisent contre cette réforme. Car on le sait, hein, il y a eu d'autres diagnostics qui ont été faits à partir du rapport du Conseil d'orientation des retraites. Il y a eu d'autres propositions politiques qui ont été faites que celles proposées par l'exécutif. Malheureusement, elles étaient très souvent peu reflétées dans les médias. Donc c'est, par exemple, on nous dit que c'est le sens de l'histoire, hein, ça c'était Nicolas Demorand dès le 2 janvier sur France Inter, c'est pour Françoise Fressoz une réforme indispensable, hein, cet éditorialiste au Monde, une réforme qui pour le Figaro était plus nécessaire que jamais, voire même Sonia Mabrouk sur Europe 1, hein, qui déclarait que c'était la réforme ou la faillite, quoi. Donc voilà, plusieurs réactions dans ce sens, bien avant, voilà, dès le début 2023. Après, ce qu'on a observé, c'est aussi, alors ce que nous on a appelé les prophètes de la démobilisation sociale, c'est-à-dire que bien avant que se déploient les mobilisations à la mi-janvier, vous avez à nouveau toute une série de commentaires qui partent du principe que cette réforme, de toute façon, va s'imposer et, j'allais dire, annonce un peu la future résignation de ce que devrait être celle des Français. Hein. Donc, Estelle Denis sur RMC qui dit aux manifestants que vous savez très bien que vous allez échouer. Léa Salamé qui rappelle que, de toutes les manières, il passera ce texte. Apolline de Malherbe aussi qui précise, vous savez qu'à la fin, de toute façon, vous perdez, etc., etc. Donc à cette à ces prophètes de démobilisation sociale mettent en place aussi un deuxième type de journalisme, hein, qu'on pourrait appeler le journalisme de démobilisation. Et là, par exemple, il y a un de démobilisation sociale, c'est-à-dire faire en sorte que les citoyens et citoyennes ne rejoignent pas forcément les mobilisations en cours. Un exemple particulier à ce titre, c'est lorsque le chercheur économiste Michaël Zemmour avait démonté minutieusement le mensonge gouvernemental autour d'une prétendue pension minimale à 1200 euros, eh bien, ça n'empêche que, donc il l'avait fait sur les ondes de France Inter, dès le lendemain, le même Nicolas Demorand, à la matinale de France Inter, hein, énumérait les concessions du gouvernement, parmi lesquelles, à nouveau, un élargissement de la pension minimum à 1200 euros pour tous les retraités. Or, la veille, ça venait d'être... Ouais. Ceci dit, Michaël Zemmour a eu un écho quand même, et d'ailleurs, il a été, je crois, invité régulièrement sur BFM TV, puisqu'en fait, il a fait le buzz, justement, suite au passage de France Inter je crois, c'était... En février, je ne sais plus, il a fait le buzz sur les réseaux sociaux et finalement les médias, qui, malgré tout, parce que même si BFM TV est quand même voilà, un agenda politique, il ne pouvait pas non plus complètement ne pas l'inviter, sachant qu'il avait fait le buzz aussi sur les réseaux sociaux. Donc est-ce que finalement ça euphémise pas un peu la critique en disant, bon voilà, même BFM TV a pu peut-être... Parce que voilà, tout simplement, voilà, Zemmour a fait un buzz vraiment sur Twitter, sur Facebook, etc. Est-ce que finalement, ça vient pas un peu, en quelque sorte, nuancer un peu le propos à quel, bien sûr, j'adhère évidemment, mais la visibilité de Zemmour, est-ce que finalement, ne vient pas, en quelque sorte, tempérer un peu la critique que vous pouvez en faire ? Alors, je dirais que plutôt que c'est presque de l'ordre, malheureusement, de l'épiphénomène, on peut bien évidemment saluer, et il était salutaire, que cette intervention de Michaël Zemmour, en fait, ait été par la suite reprise, et qu'effectivement, des chaînes d'information en continu comme BFM TV se soient senties obligées de revenir, y compris, je me rappelle, de mettre un peu en défaut le ministre du Travail à l'époque sur ces questions. Je parle d'épiphénomène parce que malheureusement c'est quand même assez noyé au milieu de plein d'autres interventions de la part des éditorialistes, ce qu'on appelle nous l'éditocratie ou les chefferies éditoriales, qui au contraire allaient plutôt dans le sens, d'une promotion de la réforme, voire d'une reproduction des éléments de langage en fait du gouvernement. Je ne sais pas si vous avez en tête à nouveau cet épisode du 17 janvier où le chef de l'État, Emmanuel Macron, a reçu près d'une dizaine d'éditorialistes, toutes chaînes et médias confondus, et on s'est aperçu que par la suite, nombre d'entre eux, en fait, avaient, on va dire, reproduit avec assez peu de distance critique toute une série d'éléments de langage du gouvernement. Et quand nous, comme d'autres, nous avons eu le malheur de critiquer ce genre de procédé, le fait que ces éditorialistes pratiquent ce que nous, on appelle du journalisme de cours et se soient abaissés à aller recueillir directement auprès du chef de l'État les éléments de langage, on s'est vu traiter par Ruth Elkrief, Sophia Aram, Jean-Michel Lapati ou Klaus Kolowicz, qui critiquaient des procédés complotistes, populistes, une ignominie, etc., prétextant que les journalistes n'avaient fait que leur travail. Quoi. Il y a quand même un certain infléchissement, et là je reviens au début de votre question sur le traitement de la réforme des retraites, notamment sur la question du traitement du maintien de l'ordre. Puisqu'il y a vraiment eu quelque part, à partir du déclenchement du 49-3 et des mobilisations aussi à Sainte-Soline, il faut le rappeler, une sorte d'incrémentation en fait du maintien de l'ordre dans le sens d'une plus grande répression. Et il est vrai que pour une fois, on a pu voir que la question des violences policières, a figuré plus rapidement à l'agenda médiatique de grands quotidiens comme Le Monde ou Libération, en tout cas plus rapidement que lors du mouvement des Gilets jaunes. Pour autant, si d'une part ça c'est à saluer, on a rappelé les positions des différentes sociétés des journalistes qui avaient protesté face à cela, il y a quand même aussi le maintien de ce que nous appelons aussi le journalisme de préfecture, c'est-à-dire un journalisme qui consiste à relayer sans assez peu de distance critique les positions de la préfecture, du parquet, sans véritablement les mettre en balance face à ce que vivent les manifestants sur place. Et ça aboutit à ce que, par exemple, puisqu'on l'a cité, sur BFM TV, par exemple, on a l'impression que c'est la police qui fait l'information, avec une appropriation sans distance du lexique policier, le recours aux euphémismes pour ne pas nommer les violences policières, un usage immodéré d'images qui sont fournies directement par le ministère de l'Intérieur, par la préfecture, par la gendarmerie, voire même, et là je pense à leur expert police-justice, Dominique Rizet, qui lisait littéralement en direct des notes qui lui venaient de la préfecture de police, ou qui mettaient à l'écran des infographies qui sont directement réalisées par les services de renseignement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des liens aussi avec la concurrence avec CNews, notamment concernant BFM, avec l'idée que si on parle de violence policière, ça serait une forme de ligne rouge pour les policiers donc, qui ont l'habitude de venir sur les plateaux de BFM, et ces policiers pourraient éventuellement être tentés, si d'aventure on parlait de violence policière, d'aller rejoindre plutôt la frange encore plus dure que BFM, qui est son concurrent direct, qui est CNews. Est-ce qu'on ne peut pas non plus aussi l'analyser un peu sous cet angle-là, d'une concurrence entre deux médias de droite, entre un média plus radical que l'autre, et qui verrait s'échapper une partie de sa clientèle et de son auditoire? Je ne sais pas comment vous le... Oui, tout à fait. Enfin, l'argument de la concurrence, c'est justement un des arguments qui explique nombre de problèmes au sein de la presse en France comme ailleurs, d'ailleurs. Et donc, c'est la surenchère, justement, aux arguments de maintien de l'ordre, finalement, en fait, où certains journalistes, certains éditorialistes se font les chantres du maintien de l'ordre tel qu'il est, tel qu'il va. Mais que ce soit entre BFM, Le Figaro ou CNews, on pourrait rajouter d'autres acteurs. Je pense notamment à Alba Ventura, qui est éditorialiste sur RTL, qui, elle aussi, n'a pas hésité à reprendre le verbatim du ministre de l'Intérieur et a appelé à s'en prendre à Amnesty International, au syndicat de la magistrature, à la Ligue des droits de l'homme, qui, selon elle, dénonçait honteusement la répression policière et ça avait été vivement critiqué depuis le gouvernement. On pourrait aussi citer cette interview dans le JDD, je crois que c'était il y a 2 semaines, je ne me souviens plus exactement, où on reprenait sans aucune distance critique le terme de terrorisme intellectuel qui avait été utilisé par le ministre de l'Intérieur, terme dont on sait d'ailleurs qu'il vient de l'extrême droite. Donc voilà, il y a effectivement dans cette course, cette course à l'échalote répressive, la concurrence peut être un argument qui explique la manière dont deux grands médias traditionnels se saisissent effectivement de ces appels à l'ordre, en fait, littéralement. Allô ? Oui, effectivement, c'est... On écoutait religieusement. Ok. Oui, il y a l'idée que, effectivement, dans le journalisme de préfecture, il y a l'idée qu'à partir du moment où Darmanin dit les violences policières, ça n'existe pas, effectivement, pour BFM et CNews, ça n'existe pas, et d'autres médias, vous l'avez rappelé, effectivement. Mais je pense qu'il faut sans doute peut-être dissocier quand même les idétocrates et peut-être le reste, une partie des journalistes, des pigistes, qui eux subissent aussi ces directives, etc. Comment aussi vous analysez un peu le champ journalistique? Est-ce qu'il n'y a pas un distinguo à faire entre effectivement les idétocrates et puis le reste de la profession qui peut-être s'avérer critique, comme le laisse entendre le communiqué de presse de la Société des journalistes du Parisien, qui n'est quand même pas un journaliste d'extrême gauche. Donc comment vous voyez un peu ça, comment vous analyssez un peu cette... Bien sûr. C'est l'histoire de dire il faut apporter peut-être un peu des nuances sur une vision évidemment un peu implacable, mais qui peut-être est un peu trop générale, et peut-être que finalement quand on regarde un peu quelles sont les positions effectivement au sein des rédactions, on voit qu'on n'a pas tout à fait les mêmes prises de position, et que je sais pas comment vous analysez. Oui, non, bien sûr, je crois qu'il faut pouvoir évidemment la critique et l'analyse des médias est quelque chose de plus complexe et qui demanderait à être développé de manière plus large que au gré d'une interview peut-être un peu rapide. La question, c'est qu'effectivement, moi ça je vous remercie d'ailleurs parce que ça nous donne l'occasion aussi de démonter un peu un des arguments parfois qu'on nous oppose, à savoir vous faites de la critique des médias, c'est un peu simpliste, on s'est même vu taxer parfois de complotiste et tout ça. Bien évidemment que nous faisons la différence entre l'agissement des chefferies éditoriales, c'est-à-dire des directions et des éditorialistes, et les conditions de travail de ce que, et sans aucune forme de argument péjoratif, je dis ça, mais le travail des ce qu'on peut appeler les petites mains ou les soutiers de l'information qui, eux, il faut rappeler que le journalisme est une profession salariée qui, comme d'autres, se précarise, et que malheureusement aussi, les journalistes ont pas toujours de bonnes conditions pour faire correctement leur travail, sous l'effet aussi des injonctions de leur direction. Mais bien évidemment que il faut pouvoir discriminer suivant les médias, suivant les journalistes. Et effectivement, ces réactions des sociétés de journalistes illustrent le fait que les rédactions sont elles aussi des entreprises dans lesquelles il y a des rapports de force, des rapports de force politiques, et que tous les salariés de médias ne sont pas forcément d'accord avec les lignes éditoriales qui sont fixées par leur direction. Donc bien évidemment, nous, quand... Notre critique n'est pas une critique anti-média, pas du tout, c'est une critique des médias, mais notamment à travers la manière dont, encore une fois, les directions et les chefferies éditoriales font la promotion des idées néolibérales dominantes au détriment d'idées alternatives qui, en général, n'ont pas le droit de citer. Mais encore une fois, je l'ai rappelé au début, de nos axes de travail, c'est aussi de pouvoir informer sur les conditions de production des journalistes. Et puisqu'il a été question de la concurrence, du poids de l'économie dans les médias, évidemment que ça a une énorme conséquence sur la manière dont ensuite l'information est produite, et malheureusement parfois est mal produite en fait, puisque les journalistes n'ont pas toujours de bonnes conditions pour pouvoir le faire. Bien, merci de ces précisions. On va s'arrêter là. Merci, Nils. Ça laisse une note un peu optimiste quand même sur le rapport de force possible et puis ce qui s'est passé sur la France Télévisions et au Parisien nous ont quand même satisfait. Merci, Nils, de cette très claire intervention sur Acrimed. Merci à vous. Un petit mot de conclusion pour rappeler par rapport à cela, que le rapport aux médias, c'est un rapport de lutte politique, et que chacun et chacune a vocation à s'en emparer. Et donc Acrimed est une association qui essaie de construire un vaste front uni sur cette question-là, et chacun et chacune peut venir adhérer et participer aux travaux de l'association. On y travaillera à attaque. Merci de votre invitation en tout cas. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, bon week-end. Au revoir. Du temps où j'étais imbécile, du temps où je lisais Rimbaud,

Bon, c'est pas vraiment un sujet pour la presse, bien sûr, puisqu'il y a les casserolades pour recevoir le président et maintenant les ministres le 17 avril. Pendant l'allocution télévisée ultra courte de Macron, ça pourrait être plus courte puisque ça avait, de toute façon, il n'y avait rien dedans, le site d'Attaque France avait recensé pas moins de 400 communes bruyantes. Un peu moins de monde le 24 avril, mais quand même, ça continue, et ça va peut-être continuer au Stade de France d'ailleurs, avec le match de Coupe de France. La casserolade locale, bah, ça existe aussi, alors c'est marrant parce que on ne s'attendait pas, mais c'est fait, à Lille bien sûr, à Roubaix aussi, et à Ronchin, là où il y a des militants d'Attaque, en fait, il y a de la casserolade. 25 ans d'Attaque, ça se prépare. Tous les adhérents et les comités locaux sont invités au Polder le samedi 10 juin pour préparer l'événement à l'automne. On ne manquera pas de nous faire remarquer qu'Attaque a été créée en juin 98. Mais à ses coupeurs de cheveux à 4 dans le sens de la longueur, je dis zut, et que la bataille des retraites est d'une autre urgence que le gâteau d'anniversaire. Le 1er mai, après-demain, donc tout le monde sur le pont, tout le monde dans la rue, tous les adhérents dans la rue, je prends les noms. Le 13 mai, régulons le trafic aérien avec NADA. NADA propose, lors de la semaine nationale de nuisance, pollution, climat, régulons le trafic aérien, une journée, le 13 mai, de trois manifs à bicyclette convergent vers l'aéroport de l'Île-des-Quins pour un grand pique-nique. Merci Christian. Et donc, l'agenda militant, une conférence gesticulée qui s'intitule « Une danse macabre ». Et si on rattachait les pompes funèbres à la sécurité sociale, depuis la nuit des temps, la danse macabre fait se rejoindre côte à côte dans la mort, le seigneur et le paysan, le riche et le mendiant. Mais aujourd'hui, sommes-nous vraiment égaux face à la mort ? On paierait n'importe quoi pour assurer une sépulture et une cérémonie digne à un proche. Regarder à la dépense et chercher le bon rapport qualité-prix est jugé indécent. Et donc, cette conférence propose pourtant de nous prêter à cet exercice. Aux côtés des personnages emblématiques qui jalonnent la longue histoire de la mort, ensemble sera dressé le portrait du capitalisme funéraire qui est aujourd'hui en place. À nous d'en sortir. Pour rendre la mort à tous, il est proposé le retour de la danse macabre. Et pour ce faire, le meilleur des outils, la sécurité sociale. Après une heure de conférence gesticulée, une discussion aura lieu autour des expériences face à l'économie de la mort. Et donc, c'est une conférence par Alban Baudouin et Jean-Loup de Saint-Phal au Café Les Sarrasins le vendredi 5 mai à 20h. Et donc, avec le réseau Salaria et le collectif pour une sécurité sociale de la mort. Projection débat EACOP and Crude Reality sur le méga projet de Total Energy en Ouganda et en Tanzanie. Et donc, ce sera le dimanche 7 mai. Les associations Survie Nord et les Amis de la Terre Nord vous invitent pour une projection suivie d'un échange autour du projet EACOP mené par Total Energy. Donc, des membres de Survie Nord reviendront notamment sur les stratégies d'influence mises en place par la multinationale pour s'assurer le soutien diplomatique, économique et militaire des autorités françaises. Les collectifs Les Amis de la Terre, Alternativa, ANV COP 21 ainsi que les membres de Top COP seront présents pour un temps d'échange après la projection afin de parler notamment des campagnes locales et nationales mises en place pour lutter contre ce projet. Et ce sera le dimanche 7 mai à 15h30 au Cinéma L'Univers. Et on va s'arrêter là. Vous pouvez retrouver tous ces rendez-vous et bien d'autres sur le site lille.demosphère.net. Merci Florent, bon week-end à tous et bon défilé, c'est pas une manif, c'est un défilé, bon défilé oui. Du 1er mai. Et donc rendez-vous c'est à 10h30 aux portes des postes, Alina. Ça méritait d'être dit.